bienvenue à la portion Mishmash des palmarès fou pour la semaine du 25 septembre au 1er octobre 2017. Je m'appelle Mathieu Plante. Tania Baudin est toujours absente pour cette portion Mishmash, malheureusement. Mais on est ensemble pour une heure pour écouter de la musique, bien sûr. Les positions qu'on n'a pas entendues dans la portion top 20, pour entendre des chroniques, entre autres. On va dire au revoir aux pièces qui nous ont quittées dans Palmarès in Peace. On va regarder vraiment loin dans le passé, en 2002, dans le segment nostalgique C'était fou, côté francophone cette fois-ci. Et on va probablement aller voir un petit peu ce qui se passe ailleurs dans les palmarès. Mais on va débuter de là où on était rendu la dernière fois, c'est-à-dire en position numéro 14. En anglophone, ce sera la première diffusion dans cette émission de Raised on TV. C'était une nouvelle entrée la semaine passée, mais malheureusement, on n'avait pas accès à la musique du tout. Ça ne voulait pas jouer. Le band était en pause, je crois. Donc, Raised on TV va jouer avec Shower Work Repeat, qui monte de la 17e place sur leur album Season 1. Mais on débute en francophone avec une très courte pièce de Betrayers. Ça s'appelle Les Étoiles. C'est tout de suite dans les palmarès. C'est fou! Shower, scenery. What's in your eyes? It's not sitting in a bank account. dans ce paradis. Deserve to Die en position numéro 12 anglophone, précédé de Félix Diot avec Station Balnéaire. C'est vraiment bon, ça monte d'une place. Avant ça, 13e place, Raised on TV, Shower Work Repeat qui monte la 17e et Fudge avec Satan en position numéro 13 qui descend de la 6e. Vous êtes dans les palmarès assez fous, édition Mishmash, donc c'est la portion où on se fait des chroniques et qu'on découvre un petit peu le milieu du palmarès, là, ce qui est ni dans le fond ni au sommet. Alors on est rendu aux positions numéro 11. En anglophone, il y aura Faith Healer avec End Waiting qui monte de 3 places. C'est nouveau la semaine passée sur l'album Try avec le petit émoticône, de point-virgule, le trait d'union parenthèse. Mais on débute avec notre ami Maud Audet avec Galloway Road au palmarès C'est fou, 89 FM. Crazy, the feeling of your thighs. Free Theater sur l'album Try. Ça monte de 3 places, c'était nouveau la semaine passée. Et avant ça, on a entendu Maud O'Day avec Galloway Road, qui est montée de 5 places. Elle aussi, une nouvelle entrée dans les précédents palmarès sur l'album Comme une odeur de déclin. Maintenant, justement, parlant de la semaine passée, on a dit pas mal au revoir à bien des pièces qui étaient encore là la semaine passée. Donc voici Palmer, Rest in Peace. Just mountains of change. Voici les pièces qui nous ont quittés depuis les précédents palmarès. derrière les extraits des pièces qui nous ont quittés dans les palmarès depuis la semaine du 18 au 24 septembre 2017. On a débuté avec Amor Blitz et la pièce La Transcendance qui a fini par s'évanouir après 3 semaines. Ensuite, Beige à cœur s'est enfui avec Runaway qui a duré 3 semaines. Louis-Philippe Gingras a déménagé à Sutton qui a duré 4 semaines. Catarino s'est effondré, a foncé dans une montagne avec Vol plané qui a duré 4 semaines. L'impératrice s'est sentie insultée par les sultans des îles qui a duré 3 semaines. The Deers s'est fait enterrer par Taking It to the Grave qui a duré 3 semaines. Holy Data est retourné là où il venait, sûrement dans le présent, avec la pièce Bad Future qui a duré 4 semaines. The Franklin Electric s'est fait brûler par les deux bouts avec Burning Flame qui a duré 3 semaines. Et Darren Evil a remis sa démission avec Exploited qui a duré 3 semaines. Donc voilà pour les pièces qui nous ont quittés cette semaine. On a terminé la portion pas mal, je dirais, présente des Palmarès C'est Fou parce qu'on a entendu les pièces qu'on avait à entendre jusqu'au 11e. La prochaine fois, ce sera les 10e places. Ce qui veut dire qu'on passe directement à notre prochain segment. Oui, sans même rien faire d'autre. C'est une drôle de technique, mais c'est comme ça que ça se passe aujourd'hui. Donc maintenant, c'est le bloc. C'était fou. C'est bon, on retourne dans le passé. Un petit peu, c'est un segment nostalgique, musical, dans les palmarès C'est Fou. Donc, c'est le 20e anniversaire de C'est Fou cette année, comme bien des choses. Il y a des 20e anniversaires un petit peu partout en ce moment, et nous, là-dedans aussi. Donc, on va retourner en arrière en 2002. On retourne le plus loin possible. Les dernières traces qu'on a sont en 2001. Avant ça, c'était écrit pas mal sur une feuille écartable. On est rendu donc en 2002, on fait franco, puis anglo la semaine prochaine. Cette fois-ci, non seulement c'est vieux, mais en plus, il y a des pièces qui sont absolument introuvables dans le top francophone. Donc, on va jouer les chiffres impairs, c'est ce que j'ai pu trouver. Donc, en cinquième place, on va entendre les Marmottes aplaties avec Dynamite, qui vient de l'album Décadence, qui a été numéro 1 pendant 2 semaines. On va sauter par-dessus la quatrième, Mogheni avec L'Homme Poule, qui a été numéro 1 pendant 2 semaines aussi. On va entendre en troisième place, Illy Morgan avec 2010 sur l'album Monsieur Larue, qui a été numéro 1 pendant 3 semaines. On va sauter par-dessus la formation Une Idée avec 8e jour sur l'album X, qui a été numéro 1 pendant 2 semaines. Et à la fin, on va entendre Gilles Doiron avec Au Contraire sur l'album Désormais, qui a été numéro 1 pendant 2 semaines. Donc commençons par les Marmottes aplaties, tout de suite dans le bloc. C'était fou. Au palmarès, c'est fou. We'll be right back. Cinq personnes choisies d'un chapeau pour l'expérience du futur, créer de la conscience pour produire et produire mon image, arracher un chaque pour échelle et revenir sans savoir leur futur inconscient le mérite d'un cadeau que ce sang peut revoir à rester bloqué. Thank you. C'était le top 5 de l'année 2002. Alors c'était fou. On a entendu en cinquième place au début du bloc les Marmottes aplaties avec Dynamite sur l'album Décadent. Ensuite, on a passé en troisième place avec Lee Morgan et 2010 sur l'album Monsieur Larue. On a sauté ensuite à la première place, Julie Doiron avec Au contraire sur l'album Désormais. Faut croire que c'était populaire avec les animateurs de l'époque. Voilà. Donc pour le bloc, c'était fou. 2002 cette fois-ci. Et on va rester en 2002 la semaine prochaine, mais du côté anglophone cette fois-là. Avec, qu'est-ce qu'on a en anglophone? Sloan Thunder et le Detroit Philharmonic Symphony. Donc, c'est dans le bloc que c'était fou de la semaine prochaine. Mais avant ça, encore une fois, vous savez comment je suis très, très bon pour faire des transitions entre deux chroniques sans avoir rien entre les deux. Donc, c'est le moment de passer au segment Ailleurs dans les palmarès. Ailleurs dans les palmarès, ailleurs dans les palmarès, ailleurs dans les palmarès, c'est ailleurs dans les palmarès! Ailleurs dans les palmarès, c'est le bloc où on écoute ce qui se passe ailleurs dans les palmarès, parce que les palmarès, c'est fou, c'est plus que seulement un top 10 francophone. Un top 20, voyons, pourquoi je dis top 10? Top 20 francophone et top 20 anglophone. C'est aussi un top 30 des albums, un top 3 des disques canadiens, ainsi qu'un top 10 loud. Dans le top 30 des albums, on a trois nouvelles entrées qui sont aussi dans le top 20 anglophone, donc on les a entendues dans la portion nouvelles entrées. Donc en 19e place, c'est Choir of the Mind, avec Emily Haynes et The Soft Skeleton. En 18e place, Trailer Trash Tracy's avec Althea. Et en 17e, c'est Aaron Delisi avec son album homonyme Aaron Delisio. Dans le top 3 des albums, en 3e place, The Andy Kaufmans avec Maggie, et en 2e, Stephen Wilson avec To The Bone. On vous garde le numéro 1 secret, bien sûr. Dans le top 3 des disques canadiens, en 3e place, c'est Mise en scène avec Still Life on Fire, et en 2e, c'est Always avec After Socialites. Qui là-dedans est au sommet? Permettez-moi de regarder. Alors, je peux vous mentionner que le numéro 1 du top 3 des disques canadiens, c'est Ben Sinister avec The Other Way EP. Parce que, donc, ce n'est pas ce qui est au sommet du top 20. Dans le top 10 loud, une seule nouvelle entrée. En 10e place, c'est Acre Cookie avec Renaissance in Extremis. Ensuite, dans le top 3, en 3e place, Arch Enemy avec Will to Power qui monte de 3 places, nouveau de la semaine passée. En 2e, ça monte de 5 places, Vulture avec The Guillotine. Et en 1ère place, c'est Outrage avec Buried Pieces. Ce que je vous fais entendre, c'est justement la nouvelle entrée. Donc, écoutons du Acre Cookie truc avec A Final Glance Back Before Departing tout de suite. C'est une pièce de 6 minutes et on se dira au revoir juste après. C'est ailleurs dans les palmarès! Thinking of you. C'était Hacker Cook avec Final Glance Back Before Departing. C'est dans le top 10 là, de nouvelle entrée en 10e place sur l'album Renaissance and Extremis. C'est là-dessus qu'on termine les Palmarès C'est Fou pour cette fois-ci. La prochaine fois, la portion top 10. Bye bye.